Deuxième partie, chapitre 16e. À l'époque où ce récit commence, 2 ans à peu près se sont écoulés depuis le jour où, sortant du Luxembourg, Henri serra la main de Gilbert sur la place de l'Odéon. À cette même époque, on rencontrait à Paris une certaine Madame d'Albreuse, dont les chuchoteries du monde apprenaient à murmurer le nom. Il n'y avait pas encore autour d'elle un vif éclat, mais c'était des sourires et un léger bruit. La frontière des salons était franchie. Madame d'Albreuse avait 26 ans, la taille petite et fluette, des extrémités charmantes, des traits délicats, sans lignes bien arrêtées, mais tout pétri de grâce et de finesse, ce qu'on pourrait appeler par excellence des traits parisiens. Et avec tout cela un air de modestie et de candeur qui n'excluait pas l'audace. Des sourcils immobiles et noirs, sur des yeux d'une couleur changeante, qui avaient des tons d'un bleu sombre ou des reflets d'azur, selon qu'elle était souriante ou réfléchie. Un souffle de vent l'aurait emporté. Personne ne semblait plus nonchalante. Cependant, on lui avait vu suivre une chasse à cours sans être fatigué pendant 7 heures et gravir les pentes du montant vert sans tousser. Vers la fin d'un bal, une légère teinte rose, qui avait la transparence d'une vapeur, animait ses joues. Son corps semblait fait de neige et avait la solidité du fer. C'était alors la mode d'être blonde. On ne lui connaissait pas beaucoup de fortune. Elle menait grand train. Le mari de Julie s'occupait d'affaires. Il en avait de toutes sortes et de fort lointaines. Un temps, il avait appartenu à l'administration. Son mariage l'en avait éloigné. On le voyait fort peu, et il semblait toujours inquiet comme un homme sous le coup d'une nouvelle qui l'attend et qui n'arrive pas. Ceux qu'il rencontrait chez lui le connaissaient à peine. Il était comme un étranger, presque en visite, parlait peu, saluait vite, s'écartait et se troublait pour un mot. Dans les cercles, au foyer de l'opéra, sur le boulevard, on lui trouvait de l'esprit et de la distinction. Nul homme ne présentait mieux une affaire et n'en savait mettre en relief avec plus d'art les côtés séduisants. Mais si on le poussait d'arguments, il était bien vite désarçonné. Un railleur, rompu à toutes les embûches de la vie parisienne, disait de lui que le pistolet de M. d'Albreuse était toujours chargé, mais qu'il n'en lâchait jamais la détente. Il avait des heures de gaieté durant lesquelles ceux même qui ne l'aimaient pas se sentaient attirés vers lui. M. d'Albreuse portait bien la cravate blanche et l'habit noir. Il avait les cheveux rares, le menton rasé comme un Anglais de la vieille roche, le sourire aimable, le visage plein, avec un peu de mollesse dans les contours, beaucoup d'aisance dans les manières, et par intervalles, une sorte de gêne et de roideur. Il entrait, il saluait, il s'asseyait, il parlait, on le remarquait et il plaisait. Puis tout à coup, un mot, un accent, un geste, un rien, faisait que le charme s'évanouissait. On citait de lui des traits de bonté, on n'en citait point de Madame d'Albreuse. Le salon de Julie réunissait une fois par semaine, le jeudi, ce monde singulier qu'on voit à Paris, à la surface de toutes les assemblées. Sa prétention était de recevoir la compagnie la meilleure et la mieux choisie. Certaines maîtresses de maison n'en eussent accepté les éléments qu'après un triage attentif. On y rencontrait de ces princes dont les domaines inconnus s'étendent sur les rives suspectes du bas Danube, et un petit nombre de ces étrangères qui ont les élégances de la bonne compagnie sans en avoir le langage. Quelques femmes bien nées commençaient à s'en écarter. On y découvrait chaque semaine des visages nouveaux. Madame d'Albreuse était très répandue à Paris. Point de fêtes nombreuses sans elle. Elle aurait cru sa journée mal remplie si elle ne se fût pas montrée aux Champs-Élysées. Au milieu de son luxe, on coudoyait parfois dans son antichambre des fournisseurs qui attendaient et qui faisaient mine de s'impatienter. Le personnage qu'on rencontrait le plus souvent à son côté et qui l'accompagnait fréquemment à l'opéra lors des absences de M. d'Albreuse était un homme grisonnant, haut en couleur, chevelu comme un nègre, avec un cou de taureau et des épaules de bûcheron. C'était, disait-on, un maître de forge. Il se nommait M. Desbordes. Julie l'appelait mon oncle, il l'était peut-être, mais la mode de Bretagne. Henri avait été conduit chez Madame d'Albreuse un soir de bal. Elle avait le goût des titres et des noms éclatants. Or, un marquis n'est pas à dédaigner dans un salon où l'on veut retenir le monde. Elle savait en outre, par ces vagues rumeurs qui circulent dans l'air, quelque chose de la haute position que M. le duc de Carlepont avait autrefois occupé dans Paris. Il en restait des relations qui pouvaient servir. C'était plus qu'il en fallait pour bien accueillir un jeune homme de bonne mine, également tourné. Au moment où l'on échangeait ces paroles banales qui accompagnent une présentation, Henri parut fort troublé. Aucun hommage ne pouvait être plus agréable à Madame d'Albreuse, qui s'y connaissait. Elle remarqua plus tard que le nouveau venu la suivait des yeux toutes les fois qu'il ne croyait pas être observé. Quand elle le regardait, il détournait la tête. Ce fut bien pire lorsque, pour la première fois, il se trouva seul auprès d'elle en visite. Julie sourit, voulut savoir si la timidité seule était la cause de ce grand trouble, et acheva de lui faire perdre la tête en le faisant asseoir à son côté sur le même sofa, sous prétexte d'examiner les dessins d'un album. Au beau milieu d'une explication, elle le regarda si bien dans les yeux qu'il resta court. Quand il put s'arracher de ce canapé, d'où s'échappaient des ondes magnétiques, il avait la fièvre dans le sang et la pâleur du marbre sur le front. « Revenez me voir, » lui dit Julie, « je suis parfois seule vers 5 heures. » Quelle parisienne n'est pas curieuse de ces friandises que le hasard offre en pâture à leur coquetterie un peu blasée. Ce fut, pour Madame d'Albreuse, l'objet d'une distraction. Or, ce qui manque le plus dans ces existences dévouées au plaisir, c'est un amusement. En ce temps-là, M. d'Albreuse était rarement à Paris. On racontait qu'une affaire importante, d'où la plus grosse fortune pouvait sortir, le retenait en Allemagne. Madame d'Albreuse en parlait rarement. Lorsqu'on la questionnait, elle montrait ses dents blanches dans un sourire gai. « On ne sait jamais où voyage M. d'Albreuse, » disait-elle. « Un jour en Styrie, le lendemain dans le Tyrol, vous verrez qu'il poussera jusqu'en Turquie. » Elle donnait fréquemment un dîner et commençait à se montrer dans les petits théâtres. La première visite d'Henri ne fut pas la dernière. Ce trouble qu'il avait éprouvé lui laissait un plaisir délicieux. Il avait le sommeil agité et ne s'en plaignait pas. Une image charmante flottait entre ses livres et lui. Il fermait le volume et suivait en rêve l'image dont il voyait le sourire. Madame d'Albreuse lui faisait un accueil aimable. Il n'était plus auprès d'elle sur le pied d'un étranger. Leur connaissance par degrés montait à l'intimité. Il y avait des jours où sa porte restait fermée pour tout le monde, excepté pour lui. Elle lui disait avec un sourire languissant que seul, il avait le don de la délasser de ses heures noires, où la femme la plus heureuse est en proie à la tristesse. C'était quelquefois presque vrai. Elle lui réservait par caprice et par curiosité de ses caresses morales et de ses préférences qui flattent un cœur jeune dans ses profondeurs les plus délicates. Au milieu de la vie agitée, bruyante et tapageuse que certaines femmes adoptent avec enjouement, il se produit des lassitudes d'esprit singulières. L'âme devient en quelque sorte inerte. Un certain nombre d'elles, étourdies par le tumulte d'un mouvement que la satiété même n'arrête pas, ne savent plus démêler ce qui se passe en elles. Elles n'ont la conscience exacte ni de ce qu'elles désirent, ni de ce qu'elles redoutent. Les espérances sont flottantes et confuses, les souhaits vagues et tourmentés, les aspirations s'effacent dès les premiers élans. Elles n'ont de force que pour tenter d'échapper à l'ennui, et cette force n'y suffit pas. Madame d'Albreuse avait été surprise en plein tourbillon par l'amour sincère d'un beau jeune homme qui aimait assez pour se taire. Ce silence avait une saveur particulière qui la touchait par intervalles. Cela n'allait pas jusqu'à l'émotion, mais cela lui plaisait. C'était une diversion à la monotonie de ses sensations. Peut-être même n'eût-elle pas été fâchée d'arriver jusqu'à l'inquiétude. Un battement de cœur, cela l'eût changé. Le visiteur charmant, auquel Julie tendait la main, montrait, quand elle n'était point en jeu, un esprit net et vif, alerte et clair. Ce n'était point sottise, s'il restait muet auprès d'elle. Un tel amour pouvait être le badinage d'une saison. Un jour, un Anglais entra chez Julie en visite, au moment où Henri se levait. On échangea un demi-salut et la porte fermée. « Voilà un beau garçon qui plaît à première vue, » dit l'Anglais. « Vous l'appelez Monsieur de Carlepont. » L'Anglais parut surpris et porta la main à son front, comme un homme qui fait appel à ses souvenirs. « Monsieur de Carlepont, » reprit-il, « mais si j'ai bonne mémoire, le duc de ce nom est une personne qui a dépassé la cinquantaine depuis quelque temps déjà. Et je vois là un beau jeune homme qui a la mine d'un Apollon. » Madame d'Albreuse agita son éventail. « L'un n'empêche pas l'autre, » dit-elle. « Vous avez connu le père, je vous ai fait voir le fils, le marquis après le duc. » Elle allongea ses pieds d'enfant vers le feu avec ce mouvement coquet des Parisiennes qui ont toujours froid. « On m'a parlé de monsieur le duc de Carlepont comme d'un homme extraordinaire, » continua-t-elle, « une sorte de loup qui vit dans les bois. Il a mené grand train autrefois, mangeant le capital avec les revenus. À présent, un gentilhomme ruiné. « Ah, vous croyez ?» Julie dressa l'oreille comme une sentinelle au son lointain du clairon. Ce ne put être qu'un mot, ce pouvait aussi être un éclair. Mais pourquoi Henri l'aurait-il trompé ?« Je crois ce que tout le monde croit, » poursuivit-elle d'un air indifférent. « Vous savez donc des choses que personne ne sait ?»« Je sais seulement que l'an dernier, étant à Londres, dans le cabinet d'un banquier avec lequel je suis en relation d'intérêt, je vis entrer un Français dont le grand air me frappa. On me nomma le duc de Carlepont. Il venait, disait-on, pour régler certaines affaires qu'il appelait à intervalles inégaux dans la cité. Il me sembla qu'il glissait dans sa poche une liasse de banknotes. Ses mains brunes et rudes paraissaient habituées à manier de tels chiffons. Aucun tressaillement nerveux, point d'inquiétude dans le mouvement. Le lendemain, en feuilletant le grand livre de la maison, le même nom me sauta aux yeux et j'avisai à la colonne du crédit un chiffre respectable que j'éplais à demi-voix. J'interrogeai du regard un des employés de la maison. « Ceci, me dit-il, représente la somme liquide que nous avons ordre de tenir sans cesse à la disposition de M. le duc de Carlepont. Voyez-vous ça ? Et puis ? Et puis ce fut tout. Est-ce assez clair ?»« À ce compte, dit Julie avec un joli sourire, j'ai donc mis la main sur un roman. Merci de m'avoir aidé à en faire la découverte. Ces bonnes fortunes se font rares. » Elle laissa tomber la conversation qui entra dans le champ des banalités. L'Anglais abrégea sa visite. « Ah, le traître !» murmura Julie aussitôt qu'elle fut seule. Le mot était à l'adresse de Henri. Pourquoi vivait-il à Paris sur le pied d'un étudiant qui a 3 ou 4 000 francs à dépenser en 12 mois ? Était-ce ignorance ou avarice ? Henri n'était point sot, et elle avait vu dans ces mêmes occasions que font naître les loisirs du monde qu'il avait la main généreuse. Un problème se dressait devant elle. Ajoutons que ce problème, qui entrait dans le pur éclat de la première jeunesse, lui plaisait par ses côtés attrayants de candeur qui sollicitent les natures perverties. Madame d'Albreuse se sentait aimée. Un grand miroir, qui était à l'autre bout de la pièce, lui renvoyait son image. Julie la caressa du regard, comme on sourit à un beau portrait. Du bout des doigts, elle prit un bouquet de roses que M. de Carlepont lui avait envoyé dans la matinée et en déchira les fleurs. Un sourire félin accompagnait la chute des pétales odorants qu'elle lacérait à coups d'ongle. « Qui sait ? » dit-elle d'une voix nerveuse, et elle jeta loin d'elle les débris du bouquet. Mais quelques mots jetés au hasard d'une conversation n'étaient pas un fondement sur quoi Madame d'Albreuse put asseoir une conjecture sérieuse. Elle s'arrangea pour revoir Sir David Lansdale et ramena le nom de M. de Carlepont dans l'entretien. « Vous m'avez gâté, mon Antinous, » dit-elle. Millionnaire, il ressemble à tout le monde. Vous faites beaucoup d'honneur à tout le monde, répondit l'Anglais. Maintenant, si ce badigeon d'or qui couvre votre héros vous déplaît, il faut en prendre votre parti. N'est pas pauvre qui veut. Si jeune et déjà riche, la poésie s'en va. Mais voyons, n'y a-t-il plus aucun espoir? Ne vous a-t-on pas trompé? Hélas, non. Les renseignements puisés aux meilleures sources confirment tout ce que je vous ai dit. « Monsieur le duc de Carlepont, celui-là même que j'ai vu à Londres et qui vit dans les bois, est un nabab qui porte la blouse d'un braconnier. La France a aussi ses excentriques. » Madame d'Albreuse se mit à mordiller le bout de son mouchoir et avec un demi-sourire. « Allons, c'est un roman qu'il faut déchirer avant le dernier chapitre. Je n'aime ni les charades ni les contes de fées. » En parlant ainsi, Madame d'Albreuse était presque sincère. Lors de ses premières rencontres avec Henri, un souffle de printemps l'avait saisie et troublée au milieu de l'agitation de sa vie. Elle se sentait attirée vers ce jeune homme inconnu, qui abritait sa jeunesse dans la retraite et le travail, et portait si fièrement son nom et sa pauvreté. Fallait-il renoncer à ce semblant de poésie vers laquelle tant de femmes, parmi les plus blasées, ont l'esprit incliné, et accepter de prime sol les vulgarités d'une situation qui lui paraissait tout à la fois épuérile et banale? « Si je lui fermais ma porte, » pensa-t-elle. Puis, haussant les épaules, « J'ai le temps, » reprit-elle. À quelques jours de là, Henri sonnait timidement à la porte de Madame d'Albreuse. « Faites entrer, » dit-elle. Madame d'Albreuse ne savait pas encore au juste ce qu'elle allait faire. Le trouble qui parut sur le visage du visiteur la décida presque subitement. Quelque chose, cependant, comme un reste de jeunesse expirante, soupira confusément dans son cœur. « Pauvre, » se dit-elle, « c'eût été l'amour, peut-être. » Riche, c'est la guerre. Henri restait immobile auprès de la porte. Il était comme sous le charme. Chaque fois qu'il voyait Julie, elle lui semblait plus belle. Un sentiment de crainte le tourmentait. Il aurait voulu disparaître, et pour rien au monde, il n'aurait quitté ces lieux tout illuminés par sa présence. Madame Dalbreuse lui montra un siège de la main. « Vous êtes rentré. »« Restez, dit-elle. Encore une minute, et ma porte eût été condamnée. Vous me prenez dans une heure maussade, et vous n'aurez pas cette fois la chance d'être distrait par personne. » Un rayon de joie éclaira le visage d'Henri. Il ouvrit la bouche pour répondre. Madame Dalbreuse l'interrompit d'un geste. « Au pas de phrase, je vous en supplie, » poursuivit-elle. « Je ne suis pas d'humeur à en supporter aucune. S'il vous plaît de causer, nous causerons. Si l'entretien vous fatigue, la porte est toujours ouverte. » Henri s'assit. Une envie folle de se jeter aux pieds de Madame Dalbreuse le saisit, mais il était dans cet âge où ce sont précisément les choses qu'on désire le plus qu'on ose le moins. « Eh bien, » reprit-elle après un moment de silence, « vous vous taisez. Si vous n'avez rien à me dire, racontez-moi quelque histoire. Quand je suis loin de vous, il me semble que j'ai mille choses intéressantes dont il faut que je vous parle. Dès que je vous vois, tout s'efface. Faites un effort de mémoire et parlez. » Henri parla. Il parla même longuement, et de tout sans bien savoir ce qu'il disait. Madame Dalbreuse l'écoutait et le regardait. Quelquefois elle brisait son discours par un mot, ou l'arrêtait par un sourire. Il ne voyait plus que ses yeux et balbutiait. Elle jouissait de son trouble et y trouvait des délices que savourent encore les natures les plus battues par la vie. Tout à coup, appuyant son coude sur ses genoux et penchée vers lui, « Que de mal vous vous donnez, » reprit-elle, « pour ne pas me dire un seul mot de la seule chose qui vous occupe. » Henri devint pâle comme un mort. « Madame, par pitié, » s'écria-t-il, « c'est donc vrai, vous m'aimez, » ajouta-t-elle presque aussitôt, « ah, plus que ma vie. Alors je vous plains. » Ce fut comme le coup d'une hache qui brise un arbrisseau. La parole expira dans la gorge d'Henri. Ses yeux tout effarés, éperdus, pleins de flammes et de larmes, cherchaient à lire dans les traits de Julie. La comédienne était préparée à la lutte. Elle la voulait, du premier choc, violente et décisive, et telle que ce fut une victoire qui enchaîna le jeune homme sans retour à ses pieds. Il fallait donc pousser les choses jusqu'au bout, ne pas s'embarrasser de coquetterie vulgaire et frapper fort pour entrer plus avant. Cette pensée lui communiqua une émotion dont les traces la servaient en devenant visibles. Quelque temps elle resta devant lui, pâle et menaçante, le front rigide, les lèvres plissées, le regard étincelant. Puis, un sourire amer et désolé parut sur sa bouche et saisissant la main d'Henri, avant de répéter ce mot terrible, « Connaissez-moi bien tout entière, » dit-elle, « savez-vous seulement ce que je suis? Avez-vous rien deviné de ce qui se passe dans ce cœur fermé? Pourquoi m'aimez-vous? Et que me veut cet amour? Suis-je donc une fiancée qui attend les aveux pour courir à l'hôtel? Voilà quelque temps déjà que j'ai tout compris. J'ai voulu d'abord ne plus vous voir. Vous auriez pu croire que j'étais troublé. Oh, ne protestez pas. C'eût été vrai peut-être. J'ai préféré déchirer le voile, vous mettre en face de moi, vous parler comme un ami. La chose faite, si vous restez, prenez garde, le mal dont vous souffrirez, je n'en serai plus responsable. Si vous me serrez la main une dernière fois, ma main ne sera pas moins ferme que la vôtre, et si je vous regrette, il n'en paraîtra rien. Dites à présent, ce langage que personne avant vous n'a entendu, est-ce celui d'une coquette ?»« Non, » répondit Henri qui ne respirait plus. « Enfant, » pensa Madame Dalbreuse. Elle passa la main sur son front, ferma les yeux à demi et sourit tristement. « Vous me croyez heureuse ?» reprit-elle. « Oh, n'hésitez pas, tout le monde le croit aussi. On me voit si bien paré, si répandu dans ce que Paris a de plus brillant, si fêté, si entouré. Eh bien, je ne sais pas de créature plus misérable que cette femme à laquelle il ne manque rien. Monsieur Dalbreuse, vous le connaissez, je n'en parlerai pas. J'ai eu le cœur d'une amante pour lui. Le mariage m'a laissé saignante et brisée. Dans la maison, point d'enfant. Ah, je ne les regrette plus, depuis que je sais ce que la vie promet et ce qu'elle donne. Comme tant d'autres qui vivent à la surface des salons, vous avez vu mon luxe et vous y croyez. Ce luxe est faux. Monsieur Dalbreuse me jette de l'or sans compter. Quand je l'interroge, il se tait ou me dit en souriant, « Dansez, le reste est mon affaire. » Mais il a la fièvre, et je surprends des mots qui m'épouvantent. Allez, je campe dans la vie. Dans le passé, des souvenirs amers et un long déchirement. Dans le présent, rien. Dans l'avenir, que sais-je? Peut-être la ruine, peut-être l'abandon. Le pire est que je me suis habitué à cette existence factice, et que j'y trouve par intervalles je ne sais quel charme, dont je subis la fascination. Il y a des heures pernicieuses où il ne me déplaît pas de descendre vers je ne sais quel abîme, dont ma pensée mesure en frissonnant la profondeur inconnue. Si j'y tombe, me regrettera-t-on seulement ? Julie, s'écria Henri. Ah, Julie, déjà. Permettez que je sois encore Madame Dalbreuse, s'il vous plaît. Ce n'était plus une femme qui parlait, c'était une reine. Henri, qui avait pris la main de Julie, la laissa retomber. Il était bouleversé. Le sourire qui avait glissé sur le visage de Madame Dalbreuse disparut. Mais changeant de ton, « Voilà un coin du voile relevé, » dit-elle. « Faut-il que je continue ?»« Continuez, » répliqua Henri II, la voix d'un patient qui frissonne sous le scalpel du chirurgien. « N'avez-vous pas, chemin faisant, du faubourg Saint-Honoré au boulevard des Italiens, entendu dire un peu de mal de la personne qui est devant vous ?»« Oh, madame !»« Que craignez-vous de parler ? Je suis rompu au langage de Paris. D'ailleurs, on m'a fait l'honneur de me trouver jolie. Partant, je suis en plein cœur de la bataille, et les flèches peuvent siffler. » Le visage de Madame Dalbreuse changea de couleur. Ses yeux ne perdaient pas Henri de vue. « Puisque vous ne parlez pas, retenu peut-être par la crainte puérile de m'infliger, j'irai jusqu'au bout, » reprit-elle. « Il y a dans Paris un homme qui peut dire hardiment « Cette femme a aimé, et personne n'a le droit de répondre à cet homme. Vous en avez menti, personne. Personne, moi surtout. » Julie passa rapidement un mouchoir sur ses lèvres blanches. Comme ces grandes comédiennes qui s'impressionnent de l'émotion qu'elles soulèvent, elle avait la fièvre dans la voix et dans les yeux. Froissant ses deux mains délicates l'une contre l'autre, et la tête frémissante rejetée en arrière. « Oui, j'aimais de toutes les forces de mon cœur. Comment cela s'est-il fait ? Que sais-je ? Un matin, je me suis réveillé dans la fièvre. J'avais le vertige. Je n'étais plus seul, je m'étais donné. Ah, je ne me ferais pas meilleur que je ne suis. Je n'éprouvais ni remords, ni crainte, ni regret. J'avais comme une ivresse qui me tenait lieu de tout. Toute ma vie était un autre. Il me faisait heureuse ou malheureuse à son gré. Je n'existais que par lui. Combien de temps dura cette folie, je l'ignore. Un jour, il me sembla que le froid de la mort se glissait dans mes veines. J'étais seul. Et lui ? Madame Dalbreuse éclata de rire. « Je vous dis que j'étais seul, n'est-ce point assez ? » poursuivit-elle. « Quoi ? Abandonné ? Cela vous étonne ? J'avais tout donné. Que pouvait-il demander encore ? « Oh, je ne lui en veux plus. » Un long temps, j'ai pleuré. Comment se fait-il que tant de larmes s'échappent des yeux et que le cœur n'en soit pas brisé ? Puis un jour, la cicatrice s'est faite. J'avais comme de la glace dans le sang. Je n'aimais plus. Et c'est l'heure que vous choisissez pour m'aimer ? Ah, pauvre Henri ! La seule crainte, je ne dis pas la seule espérance, que vous puissiez concevoir, c'est que cet amour insensé ne me laisse pas insensible. Si je vous écoutais, que serait votre vie ? Je suis une femme trompée, comprenez-vous, une femme blessée, froissée, déchirée. Est-ce que je crois à quelque chose, moi ? Mon nom s'est trouvé mêlé aux calomnies du monde. Des sourires m'ont accueilli dans les mêmes salons où lui m'oubliait. Et si le rouge de la honte me montait au front, hélas, je n'avais pas le droit de m'indigner. Tombé, mille hommages insolents m'ont accablé. Je vis seul dans une foule, un souvenir empoisonné est mon refuge. Je n'ai plus de rancune. J'ai des accès de dégoût contre les autres et contre moi-même. Et vous m'aimez. Rendez-moi donc, imprudent, les émotions d'autrefois, les tressaillements, l'espérance perdue, les rêves et les agitations des premiers jours, toutes ces choses qui ne sont plus. Rendez-moi le don des larmes et fondez cette cuirasse de plomb qui m'oppresse. Des larmes qui grossissaient lentement parurent entre les cils de Madame Dalbreuse et glissèrent le long de ses joues. Henri ouvrit les bras. « Ah, ne pleurez pas ! S'écria-t-il, et prenez ma vie. » Une heure après, il quittait l'appartement de Madame Dalbreuse, l'ivresse dans les yeux, quand la porte se fut refermée sur lui. « À présent, dit-elle, on peut lui parler de moi. Je ne crains plus rien. »